Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous commençons l'émission par un détour dans l'Arctique. Nous y allons avec Yannick Duguay qui est étudiant au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick, tu es étudiant donc à l'INRS aux sciences de l'eau, mais tu es aussi représentant étudiant au Centre d'études nordiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ça, le Centre d'études nordiques ou le CEN comme on dit pour raccourcir le nom? Ouais. En fait, le CEN, il existe depuis 50 ans. C'est un regroupement de plus de 200 chercheurs étudiants et de professeurs qui proviennent d'environ 10 universités différentes au Québec. Le CEN s'intéresse à l'étude des environnements nordiques, évidemment, puis c'est toutes disciplines confondues. Parce que le coût des recherches dans le Nord sont très élevé, le groupe a mis en commun ses ressources. Mm-hmm. Puis ça, au fil des années, ça a permis le développement de 8 stations de recherche et 80 stations de mesures environnementales qui s'échelonnent de nos latitudes à Québec ici jusqu'à l'île de Ward Hunt qui est au nord de l'île d'Elsmer, donc un des endroits les plus au nord au Canada. Et puis ça a été regroupé aussi au sein du groupe Circumpolaire Interact, qui est un groupe qui regroupe plusieurs stations de recherche et d'observation à travers l'Arctique. Donc des collaborations avec les Russes peut-être? Ou les Russes, les Américains, en Alaska. Exactement. Mm-hmm. Et puis, un des objectifs aussi du Centre d'études nordiques, c'est de partager les connaissances avec les communautés nordiques pour mieux mm-hmm. aussi les outiller pour faire face aux changements climatiques qu'on peut observer depuis plusieurs années. Mm-hmm. Et puis, un fait intéressant à noter, c'est que le Centre d'études nordiques compte quand même 4 étudiants au sein du comité de direction, ce qui est autant que le nombre de professeurs. Ouais. Donc, ça donne une dynamique qui est vraiment intéressante au sein du comité de direction. Ça permet aux étudiants de prendre part à certaines décisions, par exemple. Oui, exactement, mm-hmm. sur les grandes orientations mm-hmm. du centre. Donc, c'est... Ouais. Donc voilà le CEN qui nous est présenté. Donc, tu parles aussi d'observer les milieux arctiques à l'aide de satellites radars. Avant d'en venir aux satellites radars, en fait, tu peux nous dire ce qu'on entend par environnement subarctique? Oui, en fait, il y a plusieurs types d'environnements au Québec. Ça va des forêts tempérées dans le sud jusqu'aux mm-hmm. aux environnements, la toundra et le désert polaire. Et puis, entre, disons, la forêt boréale et la toundra arctique, il y a cette zone de transition qu'on appelle les environnements subarctiques. Et puis, cette zone de transition-là, étant donné que c'est une zone de transition, est quand même assez sensible aux changements climatiques qu'on a pu observer. Puis, entre autres, depuis plusieurs années, les changements climatiques qu'on a observés à l'échelle globale, surtout au niveau des températures de l'air, par exemple, ont été deux fois plus importants dans l'Arctique et dans les milieux subarctiques qu'à l'échelle globale, comme j'ai dit. Donc, ça a des effets importants. Entre autres, ça accélère le dégel du pergélisol. Puis là, je voulais faire une petite parenthèse. On entend souvent parler de la fonte du pergélisol, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est le dégel, parce que la fonte, la glace fond, mais le pergélisol, c'est un peu comme un pâté chinois qu'on sort du congélateur, il dégèle, il ne fond pas. Ils font pas, oui. Petite parenthèse comme ça. Et puis, aussi, les réchauffements de température qu'on observe, ça permet l'expansion des arbustes au détriment de la toundra. Donc, puis ça amène ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, dans le sens où ce qui arrive avec dans les milieux nordiques, avec les vents qu'on peut observer, la neige est soufflée par les vents, et puis les arbustes captent cette neige-là. Puis ce qui arrive, c'est que la neige, elle agit comme un manteau isolant pendant l'hiver. Ça protège, effectivement, et donc ça garde des températures du sol qui sont relativement plus élevées pendant l'hiver. Donc, rendu à la fonte printanière, les nutriments sont plus rapidement disponibles pour les arbustes. Donc, les arbustes profitent de cette neige-là pour créer une expansion, prendre de l'expansion sur la toundra, sur le lichen, par exemple. Et donc là, ça crée une genre de boucle. Ça encourage le phénomène, là, ça. Exactement. Ça sert un petit peu. Alors, pourquoi utiliser des satellites radars pour suivre cette évolution dans le milieu subarctique? Oui, en fait, les satellites radars, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de satellites qui passent constamment au-dessus de notre tête. Il y en a qui sont utilisés pour le positionnement, d'autres pour les communications. Puis il y a les satellites d'observation de la Terre. Ceux qu'on connaît le plus dans notre quotidien, c'est par exemple les satellites qui sont utilisés en météorologie mm-hmm. ou par exemple dans Google Maps, Google Earth, ouais, qu'on peut voir les images du sol. Les satellites radars, eux, agissent de façon différente. Plutôt que de capter la lumière qui est réfléchie, comme une photographie, ils émettent leur signal, qui est une onde radio, et puis ils mesurent l'interaction du signal avec le sol, et puis le retour de cette onde-là, ça donne une image qui ressemble un peu, on peut faire le comparatif avec une image rayon X, où est-ce qu'on voit pas seulement la surface de la cible observée, par exemple avec une image où est-ce qu'on aurait un couvert de neige, on voit pas seulement le blanc de la neige, mais on voit à travers la neige jusqu'au sol. Mm-hmm. Et donc là, on peut aller chercher une information qui va être vraiment sur toutes les différentes strates de notre cible. Mm-hmm. Et puis, donc, en allant chercher cette information-là sur la structure verticale, bien, ça nous permet de développer des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques pour aller chercher, par exemple, la hauteur de végétation, ce sur quoi on a des résultats les plus intéressants pour l'instant. Et puis aussi, on essaie d'aller chercher la hauteur de neige. Et donc là, aller trouver les zones où est-ce qu'on va avoir des plus grandes accumulations de neige, ouais. Donc des risques d'expansion de la végétation. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on est capable aussi de voir différentes sortes de végétation, ou c'est juste, on est capable de voir la neige, les arbres, ou est-ce qu'on est capable de voir je sais pas, les arbres, la mousse. Oui, ben on voit différentes sortes de végétation, effectivement, les arbres, parce que le signal radar est affecté par la structure aussi. Donc, un tronc d'arbre, par exemple, d'une épinette noire, versus une mousse qui est vraiment mm-hmm. au sol, ou un arbuste comme des boulonnins. Des zones, par exemple, des zones ou des boulonnins. Ils vont avoir des structures différentes, et donc, on peut voir ces structures-là, mm-hmm. et on peut vraiment... Le signal long d'envoyer ne se réfléchissent pas de la même façon. Et exactement. C'est intéressant. Et finalement, en bout de ligne, quel est l'objectif du projet? Donc, le projet vise à classifier, à segmenter le territoire pour faire une cartographie des différentes zones de végétation, de voir un peu les différents types de hauteurs et de structures de végétation pour mieux, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, pour mieux cibler les environnements qui vont être plus sensibles au changement climatique. Mm-hmm. Et puis, donc, présentement, on a notre site d'étude, à l'étude, si on veut, c'est aux environs du village d'Oumuyak, dans le nord du Québec. C'est situé sur la côte est de la baie du Thon. Mm-hmm. C'est à peu près, pour situer les gens, à peu près à la mi-hauteur de la baie du Thon, là, quand on la regarde sur une carte. Et puis, donc ça, c'est un environnement qui est vraiment à la limite des arbres. Donc, on a toutes les, disons, la progression à partir de la forêt boréale jusqu'à la toundra, et ça nous donne vraiment une bonne idée de ce qu'on peut retrouver en environnement subarctique. Ben, donc, de ce que je comprends, c'est un projet à suivre. Alors, oui. Ça veut dire que peut-être tu viendras nous en reparler pour nous donner les résultats? Ben, je l'espère. Oui, ben, c'est parfait. Alors, on va prendre rendez-vous. Ben, merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que Yannick Duguay effectue son doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Vous avez compris sur quel sujet. On fait une petite pause musicale maintenant sur CKRL au 89.1. Et on vous revient, on vous parle de l'accident de Mégantic.